Chapitre 256. Les cas où la médisance est permise. Il convient de savoir que la médisance est autorisée à des fins légales et valables auxquelles on ne pourrait parvenir sans y avoir recours. Elles sont au nombre de 6. 1. Se plaindre d'une injustice. Il est permis à l'opprimé de se plaindre d'une injustice aux autorités, au juge ou à tout responsable pour rétablir ses droits en lui disant par exemple « Un tel a commis telle injustice envers moi ». 2. Chercher le soutien d'un tiers pour faire cesser un acte répréhensible et remettre son auteur sur le droit chemin. Cela consiste par exemple à dire à celui que l'on estime capable de mettre un terme à cet acte répréhensible « Un tel fait telle chose, empêche-le de continuer ». L'intention doit être de mettre un terme à un acte condamnable. Si l'on agit avec une autre intention, la médisance devient illicite. 3. Demander une fatwa. On peut par exemple dire au mufti « Mon père, mon frère, mon mari ou un tel m'a traité injustement. En a-t-il le droit? Comment puis-je rétablir mes droits et mettre fin à cette injustice ?» Ceci est permis en cas de nécessité. Cependant, par principe de précaution, il est préférable de dire « Quel est votre jugement sur un homme, une personne ou un mari qui a fait telle chose ?» En effet, l'objectif est dans ce cas atteint sans avoir besoin d'identifier la personne. Mais il est autorisé de nommer une personne en particulier, comme nous le verrons si Allah Ta'ala le veut, dans le hadith de Hind, numéro 1535. 4. Mettre en garde les musulmans contre un mal et leur donner conseil, et ceci à plusieurs niveaux, comme signalé les narrateurs de hadith et les témoins dont la fiabilité et la sincérité ont été remises en cause. Ceci est permis, voire obligatoire en cas de nécessité, de la vie unanime des musulmans. Ijma'. Comme également, consulter les gens sur une personne en vue d'un mariage, d'une association, avant de lui confier un dépôt, de devenir son voisin ou pour toute autre relation. Celui que l'on consulte ne doit pas dissimuler la vérité, mais citer les défauts de la personne sur laquelle il est interrogé avec l'intention de donner conseil. Comme également, mettre en garde un étudiant en sciences religieuses qui assiste au cours d'un innovateur ou d'une personne immorale qui pourrait l'influencer négativement. On doit dans ce cas conseiller l'étudiant en montrant les défauts de l'enseignant, mais à condition d'avoir comme intention le bon conseil et non par jalousie. Satan peut en effet leurrer la personne, lui donnant l'impression qu'il agit par conseil. Que l'on y prenne donc garde. Dénoncer à ses supérieurs un responsable qui ne s'acquitte pas convenablement de sa tâche, soit par inaptitude, soit par immoralité, soit par manque de zèle. Il est obligatoire de le signaler à ses supérieurs afin qu'ils le relèvent de ses fonctions et nomment à sa place une personne compétente ou tout au moins afin qu'ils connaissent sa situation pour agir en conséquence sans se laisser abuser. Ceux-ci doivent alors l'inciter à se corriger ou le remplacer. Parmi les cas où la médisance est autorisée, 5. Citer les actes immoraux ou les hérésies de ceux qui les commettent ouvertement, comme le fait de boire du vin, de spolier les gens, de percevoir des taxes injustement, d'être l'auteur de certaines fraudes ou de commettre de mauvaises actions. Il est permis de citer ce qu'ils commettent publiquement, mais il reste interdit d'étaler leurs autres défauts, sauf pour une des autres raisons que nous venons de citer. 6. Désigner quelqu'un par son surnom. Si une personne est connue par un surnom comme le boiteux, le sourd, le borgne, le loucheur, il est autorisé de le désigner par ce surnom. Cependant, il est interdit de les utiliser pour rabaisser ces personnes, et il vaut mieux, malgré tout, s'en passer dans la mesure du possible. Ces 6 raisons justifiant la médisance ont été recensées par les savants qui s'accordent sur la plupart d'entre elles. Elles puisent leur source dans les traditions authentiques connues. 1531. D'après Aïcha, radiyallahu anha, un homme demanda l'autorisation d'entrer chez le prophète alayhi salatu wassalam qui répondit « Laissez-le entrer, mais quel mauvais homme dans son clan !» Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari voit dans ce hadith un argument de l'autorisation de dire du mal des gens immoraux ou dont la moralité est suspecte. 1532. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Je ne pense pas qu'un tel et tel autre ont la plus petite connaissance de notre religion. » Al-Bukhari. Al-Layth ibn Sa'd, l'un des narrateurs du hadith, a précisé « Ces deux hommes faisaient partie des hypocrites. » 1533. Fatima bint Qais, anha, rapporte s'être rendue auprès du prophète wassalam, et lui avoir dit « Abul Jahm et Muawiyah m'ont tous deux demandé en mariage. » Le messager d'Allah wassalam, lui dit « Muawiyah est sans le sou, et quant à Abul Jahm, il a toujours son bâton à portée de main. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, quant à Abul Jahm, il frappe les femmes, ce qui permet de comprendre la version précédente, il a toujours son bâton à portée de main. Selon une autre interprétation, cela signifie qu'il voyage beaucoup. 1534. Zayd ibn Arqam, radiallahu anhu, relate « Nous avons effectué avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un voyage au cours duquel les gens furent très éprouvés. » Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites de Médine, dit alors « Ne dépensez pas pour ceux qui sont avec le messager d'Allah afin qu'ils se dispersent. » Il dit aussi « De retour à Médine, le plus fort, c'est-à-dire lui-même, Abdullah ibn Ubay, selon sa prétention, en fera assurément sortir le plus faible, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon sa prétention. Je me rendis donc auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui rapportai ses propos. » Il fit chercher Abdullah ibn Ubay qui lui jura avec force qu'il n'avait rien dit de tout cela. Les gens dirent alors « Zayd a menti au messager d'Allah ». Zayd ajouta « Je fus affligé par leurs paroles, mais Allah Ta'ala fit descendre ce verset témoignant de ma bonne foi. « Quand les hypocrites viennent à toi » Sourate 63, verset 1. Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, appela les hypocrites pour implorer le pardon d'Allah en leur faveur, mais ils se détournèrent. Al-Bukhari et Muslim. 1535. Selon Aisha, radiyallahu anha, Hind, la femme d'Abu Sufyan, a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Abu Sufyan est un homme avare qui ne nous accorde pas à moi et à mes enfants suffisamment pour vivre, me contraignant à prendre de son argent en cachette. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Prends, de façon raisonnable, ce qui te suffit à toi et tes enfants. » Al-Bukhari et Muslim. 1536.